Et si je compte jusqu'à 3, c'est déjà la fin. 1, 2, 3, c'était Anaïs Delva sur EFM. Les petits bouts de choux. Petits bouts de choux. Ils sont hauts comme trois pommes. La vérité sort de la bouche des enfants. Mais ils ont déjà réponse à tout. Les petits bouts de choux. Et nous sommes aujourd'hui le 1er avril, un jour pas tout à fait comme les autres pour les petits bouts de choux, puisque c'est le jour de l'année où l'on peut faire des petites blagounettes sans se faire disputer par les plus grands. Alors quelles sont les blagues à la mode chez les plus jeunes? Voici en tout cas leurs réponses. Bah moi, je dessine des poissons, je découpe des poissons et je les colle dans le dos avec du scotch. Bon, je fais une baleine. Moi, je fais des poissons d'avril et ils sont toujours orange. Moi, quand je fais des poissons d'avril, ils sont roses, violets et orange. Moi, le 1er avril, j'avais fait un poisson de toutes les couleurs et je l'ai collé dans le dos de ma maîtresse. Moi, le 1er jour, j'ai collé un poisson d'avril dans le casier de quelqu'un. Et ben, le poisson d'avril que j'avais fait, et ben, il était vivant, il a plongé dans l'eau. Moi, comme poisson d'avril, j'ai fait un poisson clown et je l'ai collé dans le dos de ma maîtresse. Ah ben nous, l'équipe du Réveil EFM, le matin, on aime bien faire un poisson d'avril en embêtant Régis Leroy dans son émission. Ouais, c'est notre blague préférée. Voilà. Ouais. Et puis, Emilie Naka. C'est vrai. Ouais, Emilie Naka, elle est dans le coup avec nous. Ouais. Vous allez bien, Emilie, vous faites quoi ce week-end? Ah, je sais pas encore. Et vous, Fabien, vous faites quoi ce week-end? Eh ben, je pense que je vais aller embêter Régis Leroy. On va faire un après 1er avril aussi. Eh bien, on embrasse Régis Leroy et on lui souhaite une bonne émission et encore une fois, poisson d'avril. Eh oui, poisson d'avril. Ah, je me disais aussi qu'il y avait quelque chose. Il n'y avait rien eu de la journée et forcément, il a fallu que je me fasse avoir. Et dans les petits bouts de chou en plus. Eh bien, on leur souhaite un bon week-end au Réveil EFM que vous retrouvez évidemment entre 7h et 10h lundi avec nos petits bouts de chou. Les petits bouts de chou. Les petits bouts de chou. Ils sont réponse à tout. À demain.